Bonjour à tous. On va commencer justement par une présentation du collectif, ou plus exactement de ceux du collectif qui sont là aujourd'hui. On n'est même pas tous présents, donc vous imaginez, on aurait pu être beaucoup plus nombreux que vous éventuellement. Alors, dans ce collectif, donc, nous avons Christine Noailles qui enseigne la littérature à Grenoble, Pascal Dubus qui, elle, est issue de la Coordination nationale des universités. Mais j'expliquerai peut-être après rapidement comment ces délégations se sont faites, et qui enseigne l'histoire de l'art moderne à Paris 1. Pascal Maillard, qui enseigne la littérature française à Strasbourg. SLU, voilà. Voilà, on a les deux délégués de SLU là, qui ont été nommés. Ensuite, on a Emmanuel Saint-Jam, qui est au bout, qui enseigne les mathématiques à Paris 6 et qui... À Paris 6, et qui est, lui, le représentant et le président, d'ailleurs, de SLR, dans le collectif. Marie-Albane de Surmain, qui enseigne l'histoire. Alors, tu enseignes l'histoire à la fois à l'IUFM, que je ne me trompe en fait, pas, c'est ça. J'enseigne l'histoire à l'IUFM et je cherche à Paris 7. Et tu fais de la recherche à Paris 7. Voilà, voilà. J'enseigne à l'IFM de Créteil. Et on entre déjà dans la discussion en présentant. Et qui représente ici le secrétariat de la Coordination nationale de la formation des enseignants. Sarah Hatchuel, qui enseigne l'anglais à l'Université du Havre et qui est là au titre de la Coordination nationale des universités. Et Céline Ruet, qui enseigne le droit à Paris 13 et qui est là également au titre de la Coordination des universités. Moi-même, Michel Bernard, j'enseigne la littérature française à Paris 3 et je suis là également au titre de la Coordination nationale des universités. Cette présentation permet d'entrer tout de suite dans l'explication de notre démarche. Alors, il n'y a ici que des enseignants-chercheurs. Je précise quand même que, outre Catherine Pellin, qui était une autre représentante de la coordination de la formation des enseignants dans le collectif, et Brendan Chaban, hein, je crois que c'est les deux seuls qui sont absents aujourd'hui, et Nathalie Viennet-Guérin également. Nous sommes des enseignants-chercheurs ici, essentiellement aujourd'hui, mais le collectif était un peu plus large que ça, au moins au démarrage. Hein, voilà, Biatos et étudiants, ce qui donne une idée de notre idée de départ, c'est-à-dire de constituer un collectif aussi large que possible et représentatif, donc, d'une part, de cette Coordination nationale des universités. Juste un mot d'explication, ça a suscité de longs débats que certains d'entre vous ont dû suivre. La Coordination nationale des universités, c'est, comme son nom l'indique, une coordination d'universitaires en lutte en 2009-2010 qui ont organisé un certain nombre de réunions au niveau national. Et cette coordination s'est prolongée d'une certaine manière à travers une liste de diffusion qui servait initialement à préparer les coordinations nationales et puis qui a continué avec un nombre de participants de 700, je crois, inscrits. Plus de 700. Hein, plus de 700 inscrits, qui est resté assez représentatif finalement de ce qu'a été le mouvement de 2009 dans toute son étendue et qui a continué à débattre, à donner des informations, parfois à lancer des actions coordonnées de cette manière-là. Et c'est au sein de cette liste que notre collectif s'est créé. Donc, sur l'idée de rédiger un appel à destination des candidats à l'élection présidentielle et aux citoyens, un certain nombre d'entre nous se sont proposé leur candidature. L'attachement à cette Coordination nationale des universités s'est marqué également par un sondage qui a été effectué sur la liste et qui, à une très large majorité, a accepté que notre collectif se réclame de la Coordination nationale des universités. Alors, par ailleurs, autre coordination, celle de la formation des enseignants, qui s'est constituée de la même manière en 2009-2010 et qui, elle, s'était dotée d'un secrétariat. Ce secrétariat a été réanimé, mais encore une fois, c'était là aussi un collectif qui continuait à discuter ensemble et à exister depuis 2009-2010 et a délégué deux des membres de son secrétariat, donc Marie-Albane et Catherine, pour... personnifier en quelque sorte les mots d'ordre de la formation des enseignants à l'intérieur de ce collectif. Et ensuite, deux mouvements issus du mouvement de revendication. Alors, c'est SLR qui est le plus ancien, je pense, hein, qui date de 2004. Hein, voilà, de 2004, délégué Emmanuel dans ce collectif et Sauvons l'université. Quelle est la date de création ? Le 7 décembre 2007. 2007, voilà. Donc, pourquoi ces deux mouvements-là, exclusion de, d'autres mouvements qui pouvaient être représentatifs, syndicaux en particulier, parce que ces deux mouvements sont vraiment issus de cette tentative de résistance à toutes les réformes que nous avons eues depuis les États généraux et depuis le mouvement qu'avait initié Sauvons la recherche en 2004 pour non seulement défendre l'enseignement supérieur et la recherche contre toutes les ce que nous avons appelé les contre-réformes, mais également pour faire des propositions dont nous reparlerons sans doute en cours de route. Donc voilà comment s'est constitué ce collectif. Le reste, vous devez le connaître à peu près. Le collectif, le 23 février, a lancé un appel dont vous connaissez le texte. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars. C'est une date importante pour nous parce que nous avons enfin des interlocuteurs, c'est-à-dire c'est aujourd'hui que nous connaissons les candidats à l'élection présidentielle. Donc à partir d'aujourd'hui, nous avons des interlocuteurs identifiés. Mais depuis le 23 février, cet appel a déjà recueilli 7200 signatures à peu près. Il continue à être signé très régulièrement. Des signatures extrêmement variées, puisque ça s'adresse aux candidats à l'élection présidentielle, mais également aux citoyens. Et on a demandé aux citoyens de signer. Alors aujourd'hui, j'ai fait une statistique très récente, il y a environ 5500 personnes qui ont signé en disant qu'elles étaient personnels ou étudiants de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les autres sont des citoyens. Alors parmi ces citoyens, il y en a évidemment dont les noms ont attiré notre attention. Il y a un certain nombre de députés, d'élus qui ont signé. Nous avons fait le choix jusqu'à maintenant de ne pas mettre en exergue ces signatures, même si évidemment chaque fois qu'il y a un nom connu, ça nous fait très plaisir. Mais ce qui est important, c'est ce nombre d'enseignants-chercheurs, d'enseignants, de chercheurs, de biatos, d'étudiants qui ont signé cet appel et qui s'adressent aux candidats à l'élection présidentielle pour leur demander de respecter un certain nombre de principes dont nous allons maintenant faire la présentation. Nous avons choisi donc de vous présenter les 10 demandes précises que nous listons dans cet appel et elles vont être réparties donc entre différents membres du collectif qui sont, disons, un peu plus au fait de ces différents points. Et ça permettra surtout d'amorcer le débat avec vous qui sera la partie la plus importante de cette séance. Alors on va commencer par le point 1.